L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Vous avez choisi de vous intéresser à l'économie. Sachez que cette matière englobe les autres matières. Autrement dit, cette matière influence les stratégies scientifiques des autres matières, en mal ou en bien. En mal avec l'économie monétaire, dont l'unique but est de faire croire au dieu argent, ou en bien avec l'économie réelle, aussi appelée économie physique. La morale consiste à aller contre les mauvaises choses. L'économie physique permet d'être pour les bonnes choses. L'économie physique consiste à comprendre la notion d'infini que l'on retrouve dans la vie ou le cercle. Cette économie réelle indique que la société humaine va croissante, que l'on peut verdir les déserts avec le thorium puis la fusion thermonucléaire contrôlée pour recycler tout déchet. Avec l'économie réelle, on peut aller dans l'espace avec la fusion nucléaire, écologique, afin de quitter quand il le faudra notre berceau, la Terre. Le nucléaire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome, ce qu'on croyait insécable. Le nucléaire devrait être appris à l'école, tout comme la musique, philosopher, comprendre nos limites, apprendre à apprendre, l'économie, la physique quantique, ce qui permet de comprendre le nucléaire, l'enfance d'Einstein et sa théorie de la relativité, ce qui permet de comprendre l'univers, notamment par la théorie Janus de Jean-Pierre Petit. C'est votre recherche de vérité, aidée par ce livre, qui vous aidera à devenir suffisamment rebelle pour devenir un génie en cherchant vers vos limites, en vous orientant par l'économie. Commencez dès à présent à écrire un poème, c'est-à-dire des demi-phrases couplées se finissant par la même syllabe avec des métaphores, c'est-à-dire avec des comparaisons sans comparateur, afin d'aller vers une vérité puis votre vérité, enfin vers la vérité scientifique. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux, dédicace à ASRL.